Les infos sont présentées par Julie Desbois. Bonjour Julie. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. À la une, un magasin Carrefour Market totalement détruit par un incendie hier soir près de Rouen. L'Armada 2019, l'événement se dessine tout doucement. Le sport reprise ce soir du championnat de Pro B en basket. Et puis la météo, le soleil revient en principe cet après-midi. Les pompiers mobilisés cette nuit pour venir à bout d'un incendie hier soir à Duclair, près de Rouen. Incendie qui a totalement ravagé un magasin Carrefour Market et ses 2000 mètres carrés. C'est une voiture qui a pris feu dans un premier temps, puis il s'est propagé. Pas de victimes, mais des blessés. Au total, 34 personnes ont été examinées. Trois d'entre elles ont été transportées à l'hôpital, intoxiquées par les fumées. L'origine du feu est accidentelle, selon la préfecture. Un appel à témoins lancé par la gendarmerie du Neubourg après la disparition inquiétante de Cyril, un entrepreneur d'une quarantaine d'années. Il n'a pas donné de nouvelles depuis mardi après-midi. Il était parti au volant d'une Citroën Berlingo blanche. Les gendarmes auraient aussi découvert un message vocal inquiétant sur sa propre messagerie. Dans l'affaire des enfants piqués par une aiguille à Canteleu, une famille a porté plainte pour blessure involontaire. Une fillette de 4 ans avait piqué ses camarades pour jouer au docteur vendredi dernier à l'école. Le danger est écarté pour l'agence régionale de santé, mais selon une maman, son fils doit encore subir de nouveaux tests contre le risque de contamination au VIH. Ce sera l'un des événements de l'année prochaine au-delà de Rouen. L'Armada, ce sera du 6 au 16 juin prochain. L'organisation a dévoilé quelques petits éléments de la programmation de cette 30e édition. Précision d'Élodie Alcouf-Kennel. Et tout d'abord, une des stars tant attendues, l'Hermione, arrivera dans la soirée du 7 juin. La réplique de la frégate de Lafayette sera amarrée rive droite au niveau du terminal croisière. On pourrait voir le mythique voilier remonter la Seine jusqu'à Rouen avec le trois-mâts américain Eagle. Autre info sur la sécurité, 4 points d'entrée et de sortie sont prévus. 2 rives droites, 2 rives gauches, des portiques qui seront installés avec des caméras et des drones. Sécurité aussi fortement renforcée pour la venue d'Emmanuel et Brigitte Macron, dont la date n'a pas encore été fixée. Enfin, pour ce qui est des concerts, les organisateurs souhaitent que la région propose une tête d'affiche nationale, voire internationale. Elle préférerait faire monter sur scène des artistes normands. Dans l'actu sportive du basket avec la reprise du championnat de Pro B ce soir, 2 déplacements pour nos clubs normands. Évreux se rend à Orléans tandis que Rouen va à Saint-Chamond. En hockey sur glace, 9e journée de Ligue Magnus ce soir, Rouen reçoit Chamonix. La météo, après une matinée voilée par les nuages, le soleil revient en principe cet après-midi. Il sera de la partie encore demain, mais la pluie sera de retour dimanche. Côté température, c'est encore très agréable, voire chaud. 23 degrés à Épinay, 24 à Évreux, 25 à Louviers et aux Anglais, 25 également à Rouen. La pause d'agent solo, c'est bien, mais avec les collègues au boulot, c'est mieux. Inscrivez-vous et jouez avec vos collègues. Joignez-nous maintenant au 02 32 23 53 96. Cristal. La pause d'aj. Avant de vous poser plein de questions et vous faire gagner une trottinette électrique pour enfants, on part du côté de la route avec Eugénie qui nous signale ce radar embarqué dans une Renault grise. Elle est située à la côte de Cambol dans le sens Évreux Hôpital. La vitesse est limitée à 50 km/h et il se situe juste après le feu. J'ai aussi une petite pensée pour cette auditrice qui vient de nous appeler pour s'inscrire à la pause déj qui apparemment s'est fait choper avec le téléphone au volant. Alors faut pas faire ça. Mais madame, rappelez pour vous inscrire. On aimerait bien vous avoir au téléphone. 02 32 23 53 96. Nous sommes avec Peggy et ses collègues du côté de Rouen. Bonjour. Bonjour. Peggy, tu fais partie d'une start-up, c'est ça, à Rouen? C'est ça, RoboCat. Ça s'appelle comment, tu peux répéter? RoboCat. Et vous faites quoi dans cette start-up? On fabrique un robot médical. D'accord. Il consiste en quoi, ce robot médical? Alors, c'est pour analyser les artères et pour poser des stents. D'accord, ça doit pas être facile à créer, ça, dis donc. Ouais. C'est long. C'est long, oui. Donc, toi, tu es la responsable comptable. C'est ça. Donc, quand il y a des problèmes de salaire, c'est vers toi qu'on se tourne. Mais il n'y a pas de problème de salaire, donc tout va bien. Jamais avec toi, Peggy. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 25 à peu près. Non, tu rigoles. Non. Non, c'est vrai, vous êtes 25 là? Oui, oui. Autour du téléphone? Alors là, ah non, autour du téléphone, on est Oui. Une dizaine. Une dizaine? Oui. Ah, ça fait beaucoup. Bonjour tout le monde, est-ce que je peux les entendre? Salut. Et oui, en effet, il y a du monde. Bon, vous allez aider aujourd'hui Peggy à remporter la pause déj. Il y a quand même une trottinette électrique pour enfants. Il paraît que tu as un petit loup en plus. Une petite fille. Une petite fille, elle s'appelle comment ? Clémence. Alors, pendant que je vais te poser des questions, n'oublie pas Clémence. Et ses yeux, quand tu lui ramèneras une trottinette électrique à la maison. D'accord ? Ça va bien te motiver pour ça aujourd'hui. Je prépare mon petit questionnaire et mes petits extraits. Si tu es prête ? Vous êtes prêts plutôt ? Oui ! Allez, on y va ! 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? Tu seras peut-être mon meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. Alors ? Que Rabéo. Sur Facebook, que fait-on généralement pour montrer qu'on apprécie une publication ? On aime. Cite une actrice dont le nom ne contient pas la lettre E. Je passe. Comment appelle-t-on le museau du cochon ? Le groin. Qu'est-ce qui peut être à cake ou marinière ? Des moules. Quel vent chaud souffle sur les côtes de la Méditerranée ? Le mistral. Quelle est la dernière lettre du mot artichaut ? Un P. Dans le film d'animation Ratatouille, quel est le prénom du rat ? Rémi. Sur quelle plaque un artiste peintre étale-t-il ses couleurs ? Palette. J'ai beaucoup entendu un monsieur derrière, dis donc. En fait, c'est plutôt lui qui a joué. Toi, tu as répété ses réponses, je crois. Comment s'appelle ce monsieur ? Ou ces messieurs ? Mais tout le monde a participé. Ah, tout le monde ! Oui, c'est parce que j'ai plutôt entendu un homme. Pour une D'accord. fois. Généralement, c'est les femmes qui aident à la pause déj, mais bon, pourquoi pas. Alors, Peggy, ça m'a l'air plutôt bien quand même. Dommage pour Claudio Capéo, vous avez mis du temps à me répondre. C'était bien. Donc, c'était bien lui qu'il fallait reconnaître dans l'extrait. Qu'est-ce qu'on fait sur Facebook généralement pour montrer qu'on apprécie une publication ? Alors je vois que Jocelyne aujourd'hui est de mauvaise humeur, notre arbitre de la pause déj, puisque tu as dit on aime. En effet, c'est ça, on aime. On attendait, on like. Franchement, Jocelyne, on peut pas donner un petit coup de pouce sur ce truc-là ? On va pousser. Oui, on va. Oui, on va dire ok. Allez, je t'offre celle-ci parce qu'en effet, on peut aimer dans le langage français. Bon, on dit on like hein, généralement pour Facebook. Comment appelle-t-on le museau du cochon ? Le droin, c'était bon. Le groin. Le groin. Le groin. Le groin. Oui. Et qu'est-ce qui peut être à cake ou à marinière ? C'est bien un moule ou une moule. Vous restez avec nous ? Oui. On écoute Christine and the Queens tout de suite avec Dame Dis-moi. On revient sur les réponses que vous nous avez données. Vous avez un joli petit score aujourd'hui. Correction donc dans moins de 3 minutes ici sur Cristal dans la pause déj. A tout de suite Peggy et toute l'équipe. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils lèvent leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Mais ça me monte dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cul. T'es qui de la mode n'est pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que faire? sommes avec Peggy du côté de Rouen et tous ses collègues de la start-up. Comment déjà ? Robocat. Robocat. C'est ça. Ok. La petite blague. Si c'est pas Robocop, nous dit Jocelyne, l'arbitre de la pause déj. Alors, une actrice dont le nom qui ne contient pas la lettre E. Ça pouvait être Audrey Tautou, son nom n'a pas de E. Isabelle Adjani ou encore Miu Miu, ça aurait été facile ça. Marion Cotillard aussi. Quel vent chaud souffle sur les côtes de la Méditerranée, on parle bien du Mistral. La dernière lettre du mot artichaut. Vous êtes sûr, vous avez dit le T, hein ? Oui, le T. C'est ton dernier choix ? Oui. Oui, c'est bien ça. Dans le film d'animation Ratatouille, quel est le prénom du rat ? Il s'appelle Rémi. Oui. Et sur quelle plaque un artiste peintre étale-t-il ses couleurs ? C'est une palette. Mm-hmm. C'est bon tout ça, hein ? Bah oui. Vous avez mis la barre haut, ça démarre plutôt bien aujourd'hui avec 8 points. Super. Tu connais les règles, hein, t'es la première à passer aujourd'hui. Il reste encore deux candidats qui vont tenter de te battre puisque c'est toi qui ouvres le score. Alors s'ils font minimum 9 bonnes réponses, c'est fini pour vous. D'accord. D'accord. Bon, faut leur souhaiter bonne chance quand même parce que 9 bonnes réponses, c'est pas tous les jours dans la pause déj. Bon. Non, tu veux pas leur souhaiter bonne chance. je comprends. Peggy, merci. Merci, bonne journée. Je vous fais des gros bisous à tous. Bon courage. Vous êtes en week-end ce soir ? Oui. Bon, bah, bon week-end d'abord et peut-être qu'on se retrouve d'ici 30 minutes hein, si tu n'es pas battue. Ça marche. Super, merci. Vous vous inscrivez au 02 32 23 53 96. Vous êtes peut-être une start-up en Normandie, du côté de Caen, d'Évreux, de Lisieux, de Deauville, de d'où vous voulez en Normandie. Vous nous appelez, vous jouez en équipe aussi pour essayer de battre. Donc cette start-up du côté de Rouen, c'était Robocat. 02 32 23 53 96. Jouez en équipe aujourd'hui, je vous le conseille. Il faut faire minimum 9 bonnes réponses pour emporter une trottinette électrique. Crystal présente Impulsion Business. Impulsion Business, c'est le festival des entrepreneurs, c'est unique en France et c'est à Caen. Dirigeants, futurs dirigeants d'entreprise, ce rendez-vous est fait pour vous. Au programme, des rencontres, des conférences, des expositions et un village partenaire. Venez échanger, partagez vos expériences. Rendez-vous jeudi 18 et vendredi 19 octobre au Parc Expo de Caen. Impulsion Business, un événement CCI Caen Normandie en partenariat avec Radio Cristal. Bonjour Louise, je voulais savoir si je pouvais t'emprunter des super chaises Atmosfera pour ce week-end. Mais je te les rends vite, hein, d'ici un an ou deux. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Le joueur s'avance et prépare son lancer, il attrape un grain, l'envoie en l'air et en plein dans la bouche. Mais quel champion ! Chérie, quand t'auras fini, tu amèneras le raisin à table ? Dès aujourd'hui, le raisin blanc Italia est à 1,29€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Italie, catégorie 1. La bonne idée débute pour un sommeil réparateur. On s'allonge, on bouge plus. Ah, et on écoute la dame. En ce moment, chez But, moins 50% sur l'oreiller à mémoire de forme Ergosoft Dreamea qui passe de 19,99€ à 9,99€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Chérie, ce week-end, Bricorama frappe fort. Ah oui, Bricorama ? Et pourquoi ? La TVA est offerte en bon d'achat ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. La TVA est offerte chez Bricorama, c'est fou ! Oui, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Allez, on fonce chez Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Des 100 euros d'achat, voire conditions et magasins participants sur bricorama.fr. Chérie, t'es où ? Mes parents sont là. Ben, la quinzaine Fiat professionnelle. Tu plaisantes ? Ça fait 2 heures que je t'attends. Mais il y a 1000 utilitaires disponibles immédiatement et 500 euros de carburant offert. Ah, ok. C'est tout ? Bah, des véhicules disponibles immédiatement et 500 euros de carburant offert, mes parents peuvent attendre. Pendant la quinzaine Fiat professionnelle du 5 au 22 octobre, 500 euros en carte carburant offert pour toute commande et immatriculation d'un véhicule Fiat professionnelle. Offre jusqu'au 31 octobre chez les distributeurs participants. Détails sur le site Fiat professionnelle. Fiat professionnelle. Professionnel comme vous. Appréciez le son de la voiture du futur. Vous ne l'avez pas entendu ? C'est normal. Car la voiture du futur sera électrique et silencieuse. C'est parce que l'électricité est le carburant de l'avenir que le groupe EDF lance le plan mobilité électrique pour que d'ici 4 ans, 4 fois plus de véhicules puissent rouler à l'électricité en Europe.

Bonjour Aurélie. Bon, t'as laissé tomber ton client. Tu travaillais là. J'ai pas laissé tomber. J'étais en plein rendez-vous et puis vous m'avez appelé. Ça m'a fait énormément plaisir. Mais bon, j'ai dû sortir, on va dire. Eh, ça va te faire un contrat en moins. Ça t'a gagné de la trottinette électrique, hein. Il n'y a pas de souci. Tu es consultant en énergie renouvelable. Oui, tout à fait. Tu es venu en Normandie pour ta petite femme, pour le boulot aussi, entre autres. Oui, tout à fait. Tu faisais partie du département des Yvelines, qui n'est pas très loin non plus en même temps. Hein. Non, j'étais du côté de Mantes, donc c'était pas très loin. C'est pas un gros déménagement, quoi. Non, ça va. C'est pas un gros changement de vie non plus. Non plus. Bon, toi, Georges, tu es un grand fan de... Ah, excellent. J'ai bien choisi l'extrait ou pas? Super, Cream, c'est super. Prince, grand fan de Prince, Prince, tellement que tu te l'es tatoué sur l'épaule. C'est ça, j'ai un tatouage du Love Symbol de Prince sur l'épaule et ma femme a le même à la cheville. Ah d'accord, il y a des posters de Prince chez vous? Non, du tout. Non, vous n'êtes pas à ce point-là, quoi. Non, mais par contre, j'ai eu l'occasion d'aller le voir plusieurs fois en concert. Oh, la chance ou ça? Alors, je l'ai vu à Bercy, bien d'accord. sûr. Et j'ai eu l'occasion une fois de le voir aussi au Grand Journal de Canal. Ah, sur le plateau, directement. Sur le plateau, directement, donc je l'avais à 3-4 mètres de moi. Il paraît qu'il est vraiment tout petit, Prince. Tout petit, mais grand avec artiste. Un grand talent. Voilà, exactement, c'est souvent ce que je dis d'ailleurs. Alors Georges, on y va, on va voir si toi tu as du talent aujourd'hui dans la pause déj. Est-ce que tu vas faire 9 points pour battre Peggy et peut-être remporter cette trottinette électrique pour enfants? On y va? On va tout faire. T'essayes de faire 10 bonnes réponses d'affilée aussi? Ça fait 500 euros pour bien démarrer le week-end. Eh ben, ça sera super. Pour partir un petit week-end, ça serait bien. Ah bah là, oui. Ça peut même te payer peut-être une semaine de vacances aussi. 500 euros. Pourquoi pas? On y va? On y va. 3, 2, 1. Quel groupe reconnais-tu dans cet extrait? Sting, c'est... Yes. Tu passes ou pas? Passe, vas-y. Qu'est-ce qui peut être littéraire, scolaire ou d'argent? Une pièce. Combien de pointes y a-t-il généralement sur un couteau à fromage? 2. Dans la série Scène de ménage, quel est le prénom du conjoint d'Emma? Fabien. Quel nom d'insecte porte le marché en plein air sur lequel on vend des articles d'occasion et de brocante? Des puces. Quelle couleur peut être écarlate? Rouge. Donne-moi à 3 ans près l'âge de Nicolas Hulot. 52. Mais t'es gentil avec Nicolas Hulot, dis-moi. Ouais, je le vois jeune, moi. Oui, en même temps, il a 63 ans. J'aurais donné beaucoup moins également, mais bon, bah du coup, ça te fait une mauvaise réponse. Alors, bon, dommage. Georges, t'as pris ton temps aujourd'hui, hein? Pas pressé, trop hein? Trop de temps, je crois. C'est vendredi, on est cool là aujourd'hui, tranquillement. Ouais, déjà, ce qui est dommage, c'est l'extrait d'aujourd'hui. Franchement, en tant que fan de Prince, je me suis dit, bon, tu connais un peu cette époque, cette génération, même si Police est peut-être un petit peu plus vieux, Police, je ne sais pas. Voilà. Ah là oui, là. Mais tu l'avais au bout de la langue, je le sais, on l'entendait. Bon, t'as perdu du temps sur celle-ci. Et sur la deuxième également, qu'est-ce qui peut être littéraire, scolaire ou d'argent? On dit la rentrée. La rentrée d'argent, la rentrée scolaire, la rentrée littéraire. D'accord. Sinon, j'y étais pas du tout là. Le couteau à fromage, il a bien 2 pointes. Et le conjoint d'Emma dans Scène de ménage, il s'appelle Fabien. Je sais pas si tu l'as dit au hasard. Non, parce que je regarde de temps à autre, c'est assez marrant. Donc j'ai dit Fabien, non, je pensais Emma et Fabien, oui. Georges, 9 bonnes réponses ou pas aujourd'hui? Oh non, ça va être chaud là. Bon, on regarde les réponses que tu nous as données juste après, Georges Ezra. Oh. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Sun and change in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Buttons, lager toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. George Ezra, c'était Shotgun, et on rejoint un autre George aujourd'hui dans la pause déj. Il est de Gravigny cette fois. George, oui, qui a quitté ses clients aujourd'hui pour jouer à la pause déj. Est-ce que tu as fait 9 points pour battre Peggy? Avec 9 Dieu. Points, ce serait un sacré score. Le nom d'insecte que porte le marché en plein air sur lequel on vend des articles d'occasion et de brocante, je pensais que tu allais l'avoir directement. Tu as pris un petit peu ton temps, mais tu l'as eu, c'est bien le marché aux puces. La couleur qui peut être écarlate, c'était franchement donné, on parle du rouge, rouge écarlate. Et Nicolas Hulot n'a pas, non, 52 ans, mais il a 63 ans. Ah oui. Georges. Tu es loin de du compte, hein. Ben oui, tu as fait 4 points. Oh là là, la moitié. C'est dommage parce qu'on sentait de l'entrain, on sentait de l'envie de gagner, quoi. Ah ben oui, mais bon. On fait pas toujours ce qu'on veut. Mais non, c'est sûr, mais tu rejoues quand tu veux, hein. Avec grand plaisir. Un gros bisou à vous tous et continuez à faire ce que vous le faites très bien. C'est gentil, merci Georges. Je te fais d'énormes bisous. Passe un très très bon week-end, une bonne journée. Voilà, un petit salut à tous mes collègues de travail aussi. Eh ben, bonjour à tous les collègues de travail de Georges. Vous y allez, hein, si vous avez envie de jouer à la pause déj aujourd'hui avec vos collègues, par exemple. Vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Vous voyez, dis donc. 02 32 23 53 96. C'est pas comme si je répétais en plus ce numéro de téléphone au moins 15 fois dans la journée. Donc vous y allez. Il y a 9 points à faire aujourd'hui, hein, quand même, pour emporter cette trottinette électrique pour enfants. C'est la dernière de cette semaine. Alors, tentez votre chance. Ça ne coûte rien. Les infos sont présentées par Julie Desbois. Bonjour Julie. Bonjour à tous, on commence par la météo et après une matinée voilée par les nuages, le soleil revient en principe cet après-midi. Il sera de la partie encore demain, mais la pluie sera de retour dimanche. Côté température, c'est encore très agréable, voire chaud. 23 degrés cet après-midi à Épinay, 24 à Évreux, 25 à Louis et aux Andelys, 25 également dans l'agglo rouennaise. Le Carrefour Market de Duclair, près de Rouen, n'est plus qu'un tas de tôles brûlées. Un incendie l'a totalement ravagé hier soir. Incendie accidentel selon la préfecture.

Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je sais pas pour vous, mais nous ici sur Cristal, on la connaît par cœur cette chanson. Les trois cafés gourmands, c'était à nos souvenirs. Le midi, la pause déj peut vous rapporter gros. Avec Aurélie sur Cristal. Il faut battre Peggy de Rouen, elle a fait 8 points. Très bien démarré la pause déj, cette première candidate. Nous sommes avec la dernière aujourd'hui à tenter sa chance pour emporter cette trottinette électrique pas en vent. On part du côté de Lyon-sur-Mer, oui sur la côte, on va faire un petit tour au vent frais. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Tu es vendeuse de glace ? C'est ça, oui. Et le marché s'est très bien porté cet été. Très très bien, avec la belle saison qu'on a eue, le beau soleil, très agréable. Et ça continue. C'est vrai que ça continue, là, jusqu'au mois d'octobre, tu vas en vendre des glaces cette année, hein ? Ouais, super, avec des crêpes et des gaufres, là, quand il fait un petit peu plus frais, sortie de bain, donc on a bien bossé. Différent de l'année dernière, je suppose, du coup. Oui, complètement. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, on avait eu un été pourri. Ouais, j'ose le dire, hein. Au mois d'août, c'était un mois d'octobre. Bon, alors tant mieux pour toi aujourd'hui, Sandrine. Hein, et tu es donc sur Lyon-sur-Mer hein, pour ta vente de glace, c'est ça ? Sur Ouistreham. Sur Ouistreham, ça s'appelle comment ? Si c'est le nom de famille, c'est Simard. Simard, ok. Voilà. Donc on sait que tu t'appelles Sandrine Simard. Voilà. Mais en même temps, c'est écrit sur ta boutique. Fallait l'appeler autrement. Voilà. Alors, Sandrine Simard. Ça fait de la pub en même temps. Tu joues aujourd'hui et surtout, tu vas tenter de battre Peggy avec ses 8 points. Faut que t'en fasses 9. Oui, beau score. Très joli score. Es-tu prête ? Oui, je suis prête. On y va. 3, 2, 1. Quel groupe, enfin surtout quelle chanteuse reconnais-tu dans cet extrait ? Et sur ta marinière, je cherche la petite. Cite un animal commençant par la lettre F, n'importe lequel. À 16 ans. Dans le Père Noël est une ordure, quel cadeau Pierre offre-t-il à Thérèse ? Un gilet. Quelle marque en 3 lettres est connue pour ses stylos et ses rasoirs ? Bic. Dans quel pays suis-je si je bronze à Djerba ? Tunisie. Elle peut être de douche, de plage ou téléphonique, de quoi s'agit-il ? Une pomme. Au restaurant, comment s'appelle le café servi avec une série de mini-desserts ? Quelle plante a donné son nom à l'adjectif urticaire ? Voilà. À l'adjectif, urticaire, le nom ? L'ortie. Quel était le nom gaulois de la ville de Paris ? Je passe. Selon la tradition, quel accessoire de la tenue du marin porte chance si on le Marie, touche ? Le canton. Oui. Oui, la marinière, Rochi, la marinière. Oui, je comprends ta dernière réponse. Et sur ta marinière, je cherche en fait, une union. Tu l'as jeté à la... Alors, en effet, il faut toucher le pompon du marin hein, pour que ça porte chance. Et le premier extrait de cette pause déj, c'était Rochi qu'il fallait retrouver. Ça te fait déjà 2 points. Hein, bien joué. Quelle plante a donné son nom à l'adjectif urticaire ? On parle bien de l'ortie. Un petit peu d'histoire tout de suite avec toi Sandrine. Le nom gaulois de la ville de Paris. Je vais te le dire, tu vas être dégoûtée. Lutèce. Non, ça ne revient pas, non. Pardon ? Lutèce. Ah, Lutèce, oui. On les a écoutés il y a juste un instant. Les trois cafés gourmands au restaurant, comment s'appelle le café servi avec une série de mini-desserts. Décidément, j'ai du mal avec celle-ci. Le café gourmand. Ouais. Ça te fait déjà pas mal de points. Ouais, je pense pas. Tu penses pas quand même ? Non. Ça se trouve, t'as égalisé. Peut-être. Mais bon, si t'as égalisé, de toute façon, ce sera pas suffisant puisque c'est toujours un score à battre. On va voir ça dans un instant. Sandrine, tu restes avec nous ? Oui. À tout de suite. À tout à l'heure. Can't wait, I'm doing forever in a minute. Ça fait du bien de la réécouter, Camila Cabello, c'était Havana. Nous sommes avec Sandrine du côté de Lyon-sur-Mer. Oui. Sandrine, oui. Est-ce que tu as battu Peggy de Rouen? Je pense que ça va être difficile. Là. Alors, ça démarrait bien hein, avec un animal commençant par la lettre F. Il y avait Furet, Fennec, Faucon et tu as dit Faisan, on accepte. Dans Le Père Noël est une ordure, quel cadeau Pierre offre-t-il à Thérèse? Oui, non. Alors c'est Thérèse qui offre le gilet à Pierre, mais Pierre offre un tableau avec, bah, c'est d'un goût très douteux quand même. D'accord. La marque en trois lettres qui est connue pour ses stylos et ses rasoirs, on parle de la marque Bic. Si je bronze à Djerba, je bronze en Tunisie. Bonne réponse. Elle peut être de douche, de plage ou téléphonique. De quoi s'agit-il? Alors, je ne connais pas la pomme téléphonique ni la pomme de plage. La pomme de douche, oui. Alors, c'était la cabine. La cabine, oui. Et donc, du coup, c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui de tes questions, Sandrine. C'est vraiment oui. à ça que tu allais gagner la pause déj, puisque tu as fait 7 points. 7 points, d'accord. Donc, pas suffisant pour cette fois. Bonjour. Mais bien sûr, tu feras jouer ton fils d'ailleurs à la pause déj pour enfants le mercredi. N'hésite pas à le réinscrire. Hein. D'accord. Oui. D'accord. Bon, on en profite pour féliciter notre gagnante aujourd'hui. C'est Peggy de Rouen. Bravo. Merci. Ils sont partis, tes collègues? Oui, ils sont partis. Je suis partie déjeuner. Du coup, mes collègues sont partis aussi. Il y en a qui font du sport. D'accord, ok. Bah, on voit que c'est une start-up, une vraie start-up, quoi. Vous n'avez pas mis encore les machines pour faire du sport et tout dans l'entreprise? Non, il n'y a pas encore. Non. Bon, peut-être tu penses un jour. Peut-être un jour, tu nous diras. Bon, je te fais des gros bisous, Peggy. Félicitations. Je t'envoie la trottinette électrique. C'est ta petite loute hein, qui va être contente. Oui. Super, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, tu vas bien démarrer le week-end. Hein. Bon week-end. Bon week-end à toi, allez-y, vous vous inscrivez pour la semaine prochaine à la pause déj. Vous avez envie de répondre à mes questions, vous pensez faire un super score et même peut-être 10 bonnes réponses d'affilée pour gagner 500 euros. Un seul numéro pour vous inscrire, le 02 32 23 53 96. Le retour de la musique juste avant 13h, ce sera avec Dennis Lloyd et Kungs. Une infotrafic à signaler? Contactez Cristal au 02 32 23 53 96. Allô patron? T'es sur Lidl Voyage? Et dans le Grand Nord, oui. J'ai trouvé un séjour au Canada, 9 jours 7 nuits, à partir de 1290 euros. Une offre exclusive avec visite de Montréal et Québec, de la motoneige, du traîneau à chien et une activité de survie en forêt. Tu n'y survivrais pas. LidlVoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour au Canada, 9 jours 7 nuits en pension complète selon programme, à partir de 1290 euros par personne. Offre valable du 9 au 15 octobre 2018, inclus sous réserve de disponibilité. Départ de Paris le 16 mars 2019. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr. Stop, maintenant une question santé. Qui soulage les gencives douloureuses, gonflées, irritées? Arthrodon. Oui, qui contient de l'énoxolone pour lutter contre la douleur des gencives? Arthrodon. Bravo, c'est bien Arthrodon. Dentifrice pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon énoxolone, 1% pâte gingivale, médicament pas avant 3 ans. Lire la notice avant utilisation, il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste, demandez conseil à votre pharmacien. Chérie, tu me passes la couette, s'il te plaît. Cet hiver, n'attendez pas de finir congelé pour changer votre chaudière. Rendez-vous aux portes ouvertes Engie Home Service les 12 et 13 octobre et bénéficiez d'une remise de 200 euros sur l'achat d'une chaudière. Retrouvez l'agence la plus proche de chez vous sur engiehomeservice.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018 dans les agences participantes pour l'achat d'une chaudière gaz à haute performance énergétique. Offre réservée aux particuliers et non cumulable. Conditions sur engiehomeservice.fr. Ce week-end, les grands champions sont sur Beansport. En tennis. Exceptionnel Novak Djokovic. En Coupe d'Europe de rugby. C'est marqué par Denis Thomas. En handball européen. Le festival de Michael Guigou. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans Beansport. Vivez un incroyable week-end de sport avec la finale de l'ATP Masters 1000 de Shanghai. Tous les matchs des clubs français en Champions Cup de rugby et en EHF Champions League de handball. Et dès mardi, ne manquez pas la reprise de la NBA en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Bonjour Louise, je voulais savoir si je pouvais t'emprunter tes super chaises Atmosfera pour ce week-end. Mais je te les rends vite, hein, d'ici un an ou deux. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. Ah, on va recevoir les nouvelles machines. Le virement pour le fournisseur est bien parti. Vous cherchez à optimiser la gestion de vos flux financiers ? À la Banque Postale, nous comprenons vos enjeux. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions sécurisées de suivi et de dématérialisation adaptées à vos flux. Business Energy, une nouvelle énergie pour vos défis d'entreprise. Conditions sur la banquepostale.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Le maquillage masque les défauts, mais peut-il aussi améliorer la qualité de la peau? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à formuler une gamme de maquillage actif renfermant plus de 50 ingrédients anti-âge. Et ça marche? Oui, avec la gamme de maquillage Flash Nude, nous obtenons un effet peau nue, zéro défaut, immédiatement, mais aussi durablement. Flash Nude, le premier make-up actif de Philorga, qui améliore la qualité de la peau pour 96% des femmes. Résultat obtenu avec l'application de Flash Nude Fluid. Appréciez le son de la voiture du futur. Vous ne l'avez pas entendu ? C'est normal, car la voiture du futur sera électrique et silencieuse. C'est parce que l'électricité est le carburant de l'avenir que le groupe EDF lance le plan mobilité électrique pour que d'ici 4 ans, 4 fois plus de véhicules puissent rouler à l'électricité en Europe. Découvrez comment sur edf.fr/plan-mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Cristal Verneuil-sur-Avre, 104 FM et en HD sur maradiocristal.com. Tous les samedis, 10h midi, c'est le Top 30 avec Erwan. Vos hits préférés en ce moment sont ici sur Cristal. C'est vous qui votez et faites bouger le classement sur maradiocristal.com. Ah, moi j'aime pas l'automne. Ah bon? Pourquoi? Car les feuilles tombent, car la pluie tombe et bonjour l'aquaplaning. Bah moi j'aime. Bah, comment ça? Cars, grâce à mon garagiste Cars, je roule en toute sécurité, même en automne. Cars, un réseau présent dans toute la Normandie. Qualité, proximité, garantie constructeur préservée. Cars, car vous avez le choix du réparateur. En cas d'accident. Cars. La référence multimarque. Le garage jumeau automobile, route de Breteuil à la Guéroulde. Cristal, votre radio est aussi sur mobile et tablette. Vous l'installez? Elle marche tout de suite. Vous écoutez? De la musique gratuite. Pas d'inscription, pas d'abonnement. À tout instant et pour longtemps. L'appli Cristal, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Fume le cigare comme une cubaine, le sandal rempli de mes peines, paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège.

Vous écoutez Cristal avec Aurélie. Le week-end s'annonce plutôt agréable, soleil et douceur au programme demain sur l'Eure et la Seine-Maritime. Parfait si vous avez envie d'aller prendre l'air sur la côte. Côté température, 24 sur le Pays de Conches, le Pays de Bray, 25 à Rouen, Louviers et Évreux. Dimanche, le temps sera plutôt mitigé avec averse dans la matinée, éclaircie en milieu de journée. En attendant, on profite d'un vendredi plutôt lumineux et en musique avec dans un instant Pink et le tout dernier Z. Ce sera juste après la Minute Emploi avec Dimitri. Bienvenue sur Cristal. Cristal, la Minute Emploi. Aujourd'hui, je suis avec Pauline de l'agence Randstad de Lisieux. Salut Pauline. Salut. Alors aujourd'hui, tu as 3 offres d'emploi à nous présenter. On t'écoute, on démarre par la première. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, c'est dans le secteur de la logistique. On est à la recherche de préparateurs de commandes, femmes ou hommes, sur le secteur de Lisieux. Donc ce sont des missions de longue durée. Sur le secteur de Deauville-Trouville, nous sommes à la recherche de tout type de profil, tout ce qui est hôtellerie-restauration, sur des missions de courte et longue durée. Et pour finir, toujours sur le secteur de Deauville, nous recherchons en CDI un ou une comptable bilingue avec une expérience dans un cabinet comptable d'au moins 2 ans. Très bien, c'est des offres à pourvoir très rapidement ? Dès maintenant. Et pour plus de précisions, bien sûr, approchez-vous de l'agence Randstad de Lisieux. Vous pouvez demander Pauline, elle pourra bien sûr vous renseigner. Merci à toi. Merci beaucoup. La Minute Emploi à retrouver en podcast sur maradiocristal.com. You have me now. There's nothing left to say. So wrong with me. It's what's wrong with you. There's just so much I wanna say. I just can't control my feet. Sunshine, don't blame it on the moonlight.

your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Années 80, vous aimez danser dessus et ça vous rend un peu nostalgique. Je vais vous toucher en plein cœur aujourd'hui. Direction 1984 avec la New-Yorkaise Laura Branigan. Voici Self Control pour le titre plaisir. Connu ces années-là, mais j'en suis fan, franchement. J'aurais aimé vivre dans les années 80 rien que pour la musique. Laura Branigan, c'était sorti en 1984 et c'était partout numéro 1 dans le monde. Vous mettez ça encore aujourd'hui en boîte, mais ça fonctionne, hein. Tout le monde danse dessus. En tout cas, c'était un pur kiff aujourd'hui pour moi, je sais pas pour vous, j'espère que vous l'avez apprécié ce titre plaisir. Vous nous donnez des idées de titres plaisir sur le Facebook de Radio Cristal. N'oubliez pas, aujourd'hui le carburant change de nom, ne soyez pas surpris à la pompe. Donc pour l'essence, vous allez l'identifier grâce à un cercle qui entoure donc un E. Pour le diesel, vous allez le reconnaître grâce à sa forme carrée avec à l'intérieur un B. Et les carburants gazeux seront désignés par un diamant avec un H2 au milieu. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir aujourd'hui pour le carburant. Nous, on poursuit en musique avec Kaigo et Kaleo dans quelques instants. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, vendredi et samedi avec la carte Leclerc, des 25 euros d'achat, Leclerc double tes points Nutri-Fresh. Il double les points ? Eh oui, vendredi et samedi, tous les 25 euros d'achat, ce n'est pas un, mais deux points gagnés qui te permettent d'obtenir toute la gamme d'ustensiles de cuisine Nutri-Fresh à des prix incroyables. Les 12 et 13 octobre, Leclerc double vos points Nutri-Fresh. Avec votre carte Leclerc, tous les 25 euros d'achat, recevez deux points et obtenez vos ustensiles Nutri-Fresh. Voir modalité sur www.lafraicheurvousgagne.leclerc. Bon, ben moi j'y vais, hein. Intersport. Quand Paul sort, c'est souvent en jogging basket. Paul, t'es sûr que tu veux sortir comme ça ? Mais depuis qu'il s'est offert le Total Look Adidas... Attends-moi, je viens avec toi. Chez Intersport, du 8 au 14 octobre, c'est l'Adidas Week. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur une large sélection de produits Adidas. C'est 30% de réduction et 100% de style en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Voir conditions et articles signalés en magasin, liste des magasins participants sur intersport.fr. Adidas Week, semaine Adidas. Chérie, ce week-end, Bricorama frappe fort. Ah oui, Bricorama? Et pourquoi? La TVA est offerte en bon d'achat ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. La TVA est offerte chez Bricorama, c'est fou! Oui, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Allez, on fonce chez Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Des 100 euros d'achat, voire conditions et magasins participants sur bricorama.fr. Qui habille? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de pouvoir habiller toute sa petite famille à tout petit prix. Le grand déstockage d'automne commence aujourd'hui chez Kiabi. Jusqu'à moins 50% sur toute la mode, toutes les tendances, pour toute votre tribu. Jusqu'à moins 50%, vous allez adorer. Le déstockage par Kiabi du 10 au 23 octobre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, conditions, magasin et kiabi.com. L'instant d'Arty. J'aimerais changer de fournisseur internet, mais j'hésite encore. N'hésitez plus en ce moment dans les magasins d'Arty. Pour toute souscription à une offre Bbox de Bouygues Télécom, on vous offre 100 euros en carte cadeau. 100 euros ? Et oui, comme toujours, vous profitez en plus des services exclusifs d'Arty pour vous faciliter la vie. Super, j'arrive tout de suite. Offre valable jusqu'au 28 octobre. Carte cadeau utilisable exclusivement dans votre magasin d'Arty. Engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. La bonne idée bute pour un sommeil de qualité, c'est un oreiller à mémoire de forme à moins 50%. On pose la tête, on est bien, on bouge plus. Magique! Litry en folie en ce moment chez Butte. Moins 50% sur l'oreiller à mémoire de forme Ergosoft Dreamea qui passe de 19,99€ à 9,99€ seulement. Butte, des prix et des idées tous les jours. Appréciez le son de la voiture du futur. Vous ne l'avez pas entendu? C'est normal. Car la voiture du futur sera électrique et silencieuse. C'est parce que l'électricité est le carburant de l'avenir que le groupe EDF lance le plan mobilité électrique pour que d'ici 4 ans, 4 fois plus de véhicules puissent rouler à l'électricité en Europe. Découvrez comment sur edf.fr/plan-mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.

pour me traiter, pour me traiter toi. Let's start living dangerously. Whoa. À suivre sur Crystal, Calvin Harris avec Sam Smith, Promises, ça fait beaucoup de six, et ce sera juste après la Minute Emploi. Crystal Normandie avec Aurélie. Un pass pour assister aux expériences du Panorama XXL à Rouen, c'est ce que je vous offre cette semaine, Crystal au 72 800. Et notre gagnant du jour, c'est Stéphane, bonjour. Bonjour. Tu habites du côté de Pont-Secours ? Oui, c'est ça, oui. Et tu fais quoi là en ce moment ? Là, j'allais livrer des pots de peinture. Là. D'accord, c'est ton métier, c'est ça ? Non, c'est pas mon métier, parce que là, je débarrasse un local et puis ça peut pas se débarrasser, quoi. D'accord. Bon, écoute, tu écoutes la radio en même temps, tu écoutes Crystal et t'as bien fait puisque tu repars avec un pass pour découvrir le Panorama XXL. Merci Stéphane d'avoir joué avec nous. Bah, c'est gentil, merci. Crystal, la Minute Emploi. Avec Virginie de l'Immobilière Normande. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie, on recherche dans le secteur de Louviers en ce moment. On t'écoute. Tout à fait. Nous recherchons actuellement sur le secteur de Louviers et de Vaudreuil 3 négociateurs en immobilier. Pas nécessairement d'expérience requise, mais surtout expérience dans le commerce. D'accord. C'est quel type de contrat ? Contrat en salarié, en CDI. Et puis donc des personnes qui travailleraient du mardi au samedi. Ensuite, formation bien entendu en interne au sein du groupe et en externe également. Quel type de profil il te faudrait ? Alors, des personnes qui soient bien entendu véhiculées. Après, comme je le disais, pas d'expérience nécessaire dans l'immobilier, mais surtout dans le commerce pour justement être déjà plus à l'aise avec les relations clients. On imagine que tu attends des candidatures assez vite. Oui. À quel numéro on peut te joindre pour avoir plus de précisions ? Nous contacter donc assez rapidement, effectivement, au 02 32 40 19 90. L'immobilier, c'est chouette, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes un groupe dynamique. Très bien. Eh bien, écoute, le message est passé. Merci Virginie. Beaucoup. Bonne journée. À bientôt. La Minute Emploi, à retrouver en podcast sur maradiocristal.com. Are you drunk or not? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight.

Cristal. Trafic. Attention, il y a des boîtes à images qui sont sorties aujourd'hui en ce vendredi. Attention à ne pas vous faire flasher, surtout si vous êtes sur la départementale 181 en ce moment. Il y a Dominique qui nous signale des jumelles au pied du château de Bizy à Vernon, dans le sens Passy-Vernon. Et la vitesse est limitée à 50 km/h. Merci Dominique pour cet inforadar. Si vous avez des infos trafic également, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna J'ai juste un petit conseil pour vous si vous avez du mal à vous lever le matin pour aller au boulot ou encore à l'école. Je vous conseille de mettre ce titre que vous venez d'entendre là, Imagine Dragons avec Natural. L'autre fois, je me suis réveillée avec à 6h30, c'était comme si j'avais bu au moins 3 cafés. Ça marche, je vous assure. 3 cafés gourmands et Olimers avec Moves. C'est ce qui arrive juste avant d'accueillir Florian pour le 16-20, c'est le dernier de la semaine, avec un City Break direction Londres by Brittany Ferries à remporter. Vous inscrivez tout de suite hein, si vous le souhaitez sur le site www.maradiocristal.com. Vous regardez la vidéo d'Evan, notre blogueur, et puis surtout, vous répondez au petit questionnaire juste en dessous, ça prend pas beaucoup de temps, c'est super facile, et vous serez peut-être tiré au sort ce soir. Je vous souhaite bonne chance et surtout un très bon week-end. Je vous laisse là, et puis profitez bien, on a un beau week-end qui se prépare ici en Normandie. Chérie, tu me passes la couette, s'il te plaît. Cet hiver, n'attendez pas de finir congelé pour changer votre chaudière. Rendez-vous aux portes ouvertes ENGIE Home Service les 12 et 13 octobre et bénéficiez d'une remise de 200 € sur l'achat d'une chaudière. Retrouvez l'agence la plus proche de chez vous sur engiehomeservice.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018 dans les agences participantes pour l'achat d'une chaudière gaz à haute performance énergétique. Offre réservée aux particuliers et non cumulable. Conditions sur engiehomeservice.fr.